Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous du samedi soir. On va commencer par notre découverte du jour, Tom Tom Club, ça vous parle ? Alors non, il ne s'agit pas d'une boîte de nuit, mais d'un groupe qui a sorti un tube en 1981. Le mari Chris Frantz et la femme Tina Weissmans composent ce dernier. Genius of Love est en vérité leur second single, mais c'est celui qui leur fera connaître le succès. Je suis sûr et certain que vous le connaissez. Il fait partie des titres les plus samplés de l'histoire de la musique, car repris entre autres par Mariah Carey sur Fantasy ou Grandmaster Flash sur It's Nasty. Le titre sera classé numéro 1 aux USA. C'est maintenant! Just go. Oh, hand it. Alors, c'est le moment d'aborder les 100 hits. Tavares et son Heaven Must Be Missing an Angel à tout d'un tube. Les frères Chubby doivent leur succès au disco et il y a une chanson écrite par Dennis Lambert et Brian Potter. It's Only Take a Minute permet à Tavares de figurer dans le peloton de tête des groupes vocaux qui font la transition entre la soul et le disco. En 1976, Capitol a la bonne idée de les associer au compositeur et producteur Freddie Perren, un vétéran de la Motown qui a composé une liste de hits impressionnants dont le célèbre I Will Survive. C'est avec son partenaire, Kenny Lewis, qu'il compose Heaven Must Be Missing an Angel, une des plus belles chansons d'amour de l'ère disco. La magie de ce bijou réside dans l'arrangement orchestral de Tom Sellers, connu pour avoir arrangé Rock the Boat, qu'on a écouté lors d'une précédente émission. À aucun moment il ne laisse s'ennuyer l'auditeur, car il se passe toujours quelque chose toutes les quatre mesures. C'est le batteur James Katson qui tient la cadence en relançant sans cesse avec des roulements et des breaks. Fort de ce succès, Tavares est invité à participer à la bande originale de Saturday Night Fever pour chanter une version plus dynamique de More Than a Woman. La version sera plus dynamique que celle des Bee Gees, bien sûr. C'est parti pour l'écoute. Mr. Funk sur Fadjet. La rubrique de la reprise va vous parler à coup sûr. Change, vous connaissez ? Et cette année-là aussi, je suppose. À l'origine, notre Clo-Clo national avait adapté sa chanson sur le titre original « Oh What a Night » de The Four Seasons, sorti en 1975. Change s'y attelle aussi et il figure sur leur album « Sharing Your Love » paru en 1982. Vous allez reconnaître à n'en pas douter. C'était en 1982 et ça donnait ça. We'll be right back. Mais où va-t-il chercher tout ça? C'est un secret bien gardé par Mr. Funk que je vous révélerai peut-être un jour. Alors, on part pour le maxi. Première entorse de l'année avec un titre hors disco funk, mais une chanson que personnellement j'adore. West End Girls est une chanson du groupe Pet Shop Boys, sortie en 1984. Il s'agit de leur premier 45 tours et il fait mouche en France et en Belgique. Les paroles traitent des classes sociales et de la pression dans les grandes villes. La chanson sera réenregistrée par un autre producteur pour figurer sur leur premier album, Please, et atteindra de nouveau les sommets en 1986. Alors pour l'anecdote, elle sera sacrée meilleure chanson de l'année et 20 ans plus tard, meilleure chanson de la décennie 1985-1994. Classée bien sûr numéro 1 aux USA, au Canada et en Angleterre. Alors, spéciale dédicace à Aline pour cette chanson. C'était en 1984 et ça donnait ça. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Pour la pépite, on va écouter un petit France Joli. Extrait de l'album Tonight, sorti en 1980, c'est celui où sont issus les singles The Hurt to Break the Heart et Feel Like Dancing. Le titre est toujours dans la veine des autres. Tao Glock, c'est bien de lui dont il s'agit. Ça ne vous dit pas grand-chose et vous allez voir maintenant qu'il est pas si mal que cela après tout. C'est parti. When my friends said beware of him, he's gonna break your heart in two. But what can a young girl do when she's been blinded by love, finding in him her dream come true? Laughed at me. Wish I could learn to hate him, but love won't set me free. Tough love, baby, it must be crazy to still believe in love. Why would you let someone make such a fool out of you? If it turns out to be just a game, it all depends with whom you play it. If you turn out the loser, you've only got yourself to blame. If it turns out to be just a game, it all depends with whom you play. If you turn out the loser, you've only got yourself to blame. Try to change me, my style is so specified. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine. Et à samedi, même heure, même endroit. Bye bye. We'll be right back.